Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1934, des enfants s'évadent du bagne de Belle-Île. L'endroit est enchanteur, Belle-Île en mer au large de la Bretagne. On imagine des enfants courant sur la plage, riant sous le soleil. Mais non, ces enfants-là qui marchent en silence ne sont pas en vacances. Ils ne jouent pas, ils ne rient pas. Crânes rasés, tous vêtus de la même blouse, ce sont des bagnards de la colonie agricole et maritime de Belle-Île. Des mineurs délinquants, autrement dit de la mauvaise graine, à faire trimer et à mater. Mais le 27 août 1934, une révolte éclate. Punis parce que l'un d'entre eux, au réfectoire, a osé manger son fromage avant sa soupe, les garçons se soulèvent contre leurs surveillants et s'enfuient. Éparpillés dans l'île, les jeunes fuyards ne jouissent pas longtemps de leur liberté, vite rattrapés après une incroyable chasse à l'enfant lancée par le directeur. Mais ils auront leur revanche, car la nouvelle de la révolte gagne le continent et fait bientôt la une des journaux, révélant aux Français le scandale des bagnes d'enfants. Bandits, voyous, voleurs, chenapans, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement », écrit alors le poète Jacques Prévert. Une prise de conscience qui n'aurait pu voir le jour sans la ténacité d'un journaliste, Alexis Danan, un combattant de la cause des enfants. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Véronique Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, auteur de plusieurs livres sur l'histoire de la délinquance juvénile, un sujet que vous connaissez bien sûr par vos recherches et aussi par l'expérience, puisque vous êtes également éducatrice. Oui, éducatrice au ministère de la Justice et actuellement responsable du centre d'exposition Enfants en Justice, qui est le seul lieu en France qui raconte l'histoire de la justice des enfants. Et qui se trouve à Savigny-sur-Orge. À Savigny-sur-Orge et qui dépend de l'École nationale de protection judiciaire Mais de la jeunesse. Mais qui se trouve dans une ancienne colonie. Une colonie, alors une maison de l'éducation surveillée, puisque Savigny-sur-Orge ouvre en 1945, donc un peu après l'histoire de Belle-Île. Ah donc, vous êtes l'auteur en particulier avec Mathias Gardet d'un très beau livre, Mauvaise graine, paru en 2017, avec des illustrations assez bouleversantes, parfois insoutenables. On voit des enfants prisonniers derrière des barreaux, même encagés. Des images qui nous montrent deux univers qui ne devraient jamais se croiser, l'enfance et la prison. On se dit qu'on revient de loin aujourd'hui, mais en même temps, à vous lire, Véronique Blanchard, on se rend compte que la délinquance juvénile et le débat sur les moyens pour en sortir, pour y en venir à bout des sujets donc d'actualité, eh bien on se rend compte que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on en discute. Oui, depuis le 19e siècle, on se dit, et c'est important parce que c'est une prise de conscience au 19e siècle, qu'un enfant ne doit peut-être pas être traité, jugé, puni de la même manière qu'un adulte. Ça commence... C'est la Révolution française, c'est ça qui, première fois, dit un enfant doit être puni différemment. Voilà, les codes pénaux, 1791 puis 1810, c'est repris très fortement en 1810, et on fixe à l'époque cet âge de la minorité pénale à 16 ans. Et puis on décide que ces mineurs pénaux, s'ils ne sont pas discernants, c'est un mot un peu compliqué mais très très important à l'époque et toujours aujourd'hui, s'ils ne sont pas discernants, alors ils sont acquittés parce qu'ayant agi sans discernement et qu'ils méritent peut-être un autre espace de prise en charge que celui de la prison. Alors pendant un long moment, dans le début du 19e siècle, jusque les années 1840-1850, on n'a pas d'autre espace pour enfermer les enfants. Donc on continue à les enfermer en prison. On ne cherche pas à les éduquer. C'est pas du tout un mot qu'on utilise à l'époque. On parle de redressement, on parle de correction. On imagine bien qu'un enfant ne doit pas être traité exactement de la même manière qu'un adulte, mais on ne parle pas, c'est anachronique, hein, on ne parle pas d'éducation. À ce moment-là, dans les prisons françaises, on crée des quartiers mineurs, mais on se rend compte très vite, du fait de la surpopulation carcérale, qu'on ne va pas arriver à séparer les enfants des adultes. Et on va créer à Paris la première prison pour les enfants, qui sera la Petite Roquette. C'est assez effrayant, cette prison. Évidemment, l'idée peut être généreuse, enfin, comme d'habitude. On voit des cellules, les enfants sont isolés, ils ne croisent jamais d'autres enfants, même pour la promenade. Ils viennent chacun leur tour, ils ont un bonnet sur la tête pour ne pas voir les autres, et ils jouent tout seul pendant un quart d'heure et après c'est quelqu'un d'autre, un autre enfant qui va venir le remplacer. Ouais, et c'est ça qui est très paradoxal dans l'histoire qu'on raconte aujourd'hui et qu'on va revoir aussi à Belle-Île-en-Mer, c'est la différence qu'il peut y avoir entre les intentions et les réalisations. C'est-à-dire que la Petite Roquette est vraiment pensée par les philanthropes comme un lieu de détention spécifique pour les enfants, une prison qui aurait tous les avantages de la prison et aucun des inconvénients. Et pourtant, on va faire une machine du grand enfermement à la Petite Roquette. Vous dites qu'ils ont des chapeaux sur la tête, ils ont des cagoules sur la tête, ils ne peuvent pas se voir les uns les autres, ils ne peuvent pas se parler, ils sont enfermés. Ils deviennent fous, ces enfants. Ouais, je pense. Alors c'est difficile, on manque un peu d'archives, mais je pense que ces enfants ont beaucoup souffert psychiquement et physiquement à la Petite Roquette. Et c'est bien parce que des hommes et des médecins et des avocats vont dénoncer les conditions d'enfermement à la Petite Roquette qu'on en arrivera dans les années 1840-1850 à penser un lieu très spécifique pour les enfants de justice, qui seront les maisons de correction, les maisons de redressement, et qui, dans le langage administratif, s'appellent des colonies agricoles pénitentiaires. Donc, dans le cas de Belle-Île, c'est une colonie maritime et agricole, puisqu'elle se trouve au bord de la mer. Quelle est l'idée, quel est le concept, en fait? C'est mettre des enfants ensemble, qu'ils travaillent? Ouais, le concept, déjà, c'est que ce ne soit pas une prison, et que ce soit en pleine campagne, et que les enfants puissent à la fois être ensemble, à la différence de la Petite Roquette, être encadré par des surveillants et travailler, parce qu'on pense que la terre et le travail va permettre de les redresser. Qui sont-ils, en fait, ces enfants? Ce sont des délinquants? Ouais, ce sont des enfants qui ont été mis là par leurs parents parce qu'ils voulaient s'en débarrasser? Il faut arriver à définir ça, vous avez tout à fait raison. D'abord, c'est des enfants qui peuvent avoir entre 3 et 21 ans. C'est des enfants qui ont commis des petits actes de délinquance, le vol, qui ont fugué, qui sont des vagabonds, c'est le vagabondage dont on parle à l'époque, et jusqu'en 1935 c'est un délit, ou qui sont placés là par leurs parents, dans le cadre d'une loi de 1804 qui s'appelle la correction paternelle. Voilà les trois profils. Petit délinquant. Des parents qui peuvent dire je ne veux plus de mon enfant parce qu'il a fait une bêtise, donc je le place en prison. La loi dit prison, en gros. De graves mécontentements. Vous voyez, c'est très très large, de graves mécontentements. Donc si ça se passe pas bien à la maison, si l'enfant ramène pas son salaire, s'il sort trop, par exemple quand c'est une fille, il peut subir cette correction paternelle. C'est une loi qui existera en France jusqu'en 1958. 58. Véronique Blanchard, on part tout de suite à Belle-Île en 1934 et nous poursuivrons cette discussion dans une trentaine de minutes. 1934, des enfants s'évadent du bagne de Belle-Île, un texte de Priscille Lamure, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Cédric Ossire. Plus t'en éclates, plus il y en a qui rappliquent. Dire que c'est ma seule compagnie et qu'elle me suce le sang, oh, c'est l'enfer. 44. Allez, mais tirez-vous à la fin. Personne ne vous oblige, vous, à moisir dans ce trou. J'en peux plus. Ils avaient dit 8 jours. Mon cul, oui, ça fait quoi? 12 jours, 16 jours que je suis coincé. C'est qu'il me manque, les poteaux. Même l'épée de Jeannot me manque. Je préférais encore trimer là-bas avec eux et me faire gueuler dessus par ce fumier de gibouin que de crever la dalle tout seul ici. Oh, merde, j'ai l'écrou. Une boule de pain tous les 2 jours. Ils veulent que je canne ou quoi? Comme Pierrot? 3 mois qu'ils l'ont laissé ici. Il a juste eu le temps de voir la lumière du jour avant de clamser. Ça les arrangerait bien que je crève. Ils s'en foutent. Les orphelins, il n'y a personne pour les pleurer. Mais jamais je crèverai ici! Jamais, vous m'entendez? Belle-Île-en-Mer, le 27 août 1934. Manu, 14 ans, le visage ravagé de boutons et de cicatrices, attend le ventre vide, la levée de sa punition. À la maison d'éducation surveillée de Belle-Île, c'est en les enfermant en cellules disciplinaires que l'on mate les pupilles rebelles, les fortes têtes, comme on dit, ceux qui ne craignent plus les coups. Voilà un an, l'assistance publique, débordée et contrainte de se débarrasser des orphelins les plus âgés, a placé Manu dans cet établissement pénitentiaire pour mineurs. De longs baraquements austères, juchés au sommet de la falaise qui surplombe le port du palais et jouxte la vieille citadelle Vauban. C'est là, derrière un haut mur d'enceinte, que l'on parque depuis 1880 des délinquants âgés de 13 à 21 ans. Aux jeunes garçons coupables de petits délits, de vols ou de vagabondage, sont mêlés des enfants abandonnés et des orphelins dont on ne sait que faire. Tous sont logés à la même enseigne. Crâne rasé et vêtu d'une blouse blanche, ils sont astreints à des travaux forcés quotidiens, dans des ateliers de matelotage, de timonerie, de voilerie ou encore de sardinerie. Il leur faut travailler vite et bien, dans le silence absolu, car les surveillants font régner l'ordre par la peur. Et tous redoutent d'être envoyés au trou. Debout vaut rien. Ce soir, tu réintègres ton baraquement. Et tu peux t'estimer heureux, monsieur Turmont t'autorise à dîner. Alors tu vas te dépêcher de rejoindre le réfectoire. Et en silence! Allez, dégarpille, je ne veux plus te voir. Silence! Toi là-bas, dépêche-toi de prendre ta gamelle de soupe, ton fromage et d'aller t'asseoir avec les autres. Je ne veux plus voir personne debout, hein. C'est clair? Ceux qui ont fini de manger, vous restez assis et vous attendez en silence. Mets-toi là, dépêche. Ah, merci vieux. Vous m'avez manqué les gars, toi aussi. Mais fais gaffe, il en rogne aujourd'hui. Et comme il a picolé tout l'après-midi, il part au quart de tour. Tout à l'heure, il m'en a collé une, j'avais rien fait. Un sale porc. Il refait ça juste une fois, je le saigne. Faut vraiment qu'on se tire d'ici. Ferme-la, il sera dit. Silence! Toujours la même ignoble soupe. Si on peut appeler ça de la soupe. Ma cuillère tient debout toute seule dedans, comme dans un pot de colle. Bon, c'est toujours mieux que le pain sec. Du gruyère. Ah, ça faisait tellement longtemps. C'est bon. Ça me fait comme des frissons dans la bouche. Je vois. Ton séjour en isolement t'a pas suffi. À peine sorti, tu recommences déjà. Ben, depuis quand on mange son fromage avant sa soupe? Hein? Depuis quand? Règle-moi à la con. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein? T'as rien à faire. T'es irrécupérable. Chaque les coups que tu piges. Tiens, tu vas voir. Hé, hey, lâchez-le. Toi, Jean, t'es le suivant. Vous autres, occupez-vous de vos gamelles si vous voulez pas que je m'occupe de vous. Rassuyez-vous. Rassuyez-vous, mon Dieu. Tu vas me payer, dis-moi. Debout, les hommes. Debout-le. En quelques minutes, une émeute éclate. C'est l'insurrection. Les tables et les bancs sont renversés, les gamelles de métal volent et les mutins se jettent sur leurs gardiens qu'ils parviennent à maîtriser. Profitant de l'agitation, des dizaines de jeunes s'échappent du réfectoire. Vite, faut pas rester là. Jeannot, suis-moi. Grouille, dans la cour. Manu, là-bas, les échelles découvreurs. Vas-y, prends l'autre bout. Allez, grimpe, je te suis. Oh la vache, c'est haut. Je vais me casser une patte, moi. Saute! Saute, je te dis! Maintenant, faut courir, le plus loin possible. Regarde les autres, ils descendent vers le port. Trop risqué! Viens! Il faut quitter l'île, on n'a pas le choix. Oui, on fauchera un canot quand la nuit sera tombée. Pour le moment, faut se planquer. Mais ils vont nous traquer partout. On se cache où? Dans les bois? Non, non, non. Dans les grottes, sur la falaise. On se trouve un trou, on se fout dedans. Et on attend qu'il fasse nuit noire. Après la mutinerie, le constat du directeur Donatien Turban est alarmant. 55 pupilles se sont évanouies dans la nature en blessant légèrement trois gardiens. Des révoltes et des évasions, son établissement en a déjà connu. En 1908, quatre jeunes détenus s'en étaient pris à un surveillant qu'ils avaient sauvagement assassiné. L'affaire avait fait grand bruit dans la presse de l'époque. Plus récemment, deux garçons se sont échappés et ont tenté de s'enfuir par la mer. Tous deux ont été retrouvés au bout de quelques jours, l'un transi de froid et de faim, l'autre mort d'épuisement au fond d'une barque. Pour le directeur, fraîchement décoré d'une médaille d'honneur par le ministre de la Justice, l'heure est grave. Il le sait, dans quelques heures, la nouvelle fera les gros titres de la presse, et cela ternira l'image de son établissement. Après avoir alerté la police, il envoie en toute hâte ses gardiens, armés de torches et de revolvers, à la recherche des fugitifs. Dire que j'avais pas vu la mer depuis mon arrivée ici, c'est quand même louche. Être sur une île et pas voir la mer, c'est beau. C'est sauvage. Personne pour la contrôler, l'enfermer dans une cage, pas de maton, pas de parents sur le dos. C'est de leur faute tout ça aux parents. Je serais pas dans cette merde si ces cons s'étaient occupés de moi. J'avais que 5 ans quand ils m'ont lourdé. On fait rien de mal quand on a 5 ans. Ils savaient rien faire d'autre que de cogner et de gueuler. Bon allez, faut qu'on se mette en route. Hey, Jeannot. Hé. Hey. Jeannot, émerge mon gars, faut qu'on décanille. Allons-y. Oh, j'ai le cul en souffleur de rester sur cette caillasse. Par contre, j'y vois que dalle, moi. Là-bas, regarde, les lumières du port. On descend par le chemin. On détache la première barque qu'on trouve. Et on se fait la malle. Vas-y, je te suis. Ah merde, il y a une sacrée animation là. Viens, viens. Derrière ce muret. On pourra voir ce qui se passe. Baisse-toi. Ces lascars n'iront pas bien loin. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas grand. Ils ne pourront pas se cacher très longtemps. D'ailleurs, nos gars ont déjà rattrapé la plupart. Mais votre collaboration nous sera utile. C'est le devoir de tout bon citoyen. Et... Mon Dieu, c'est le gibouin. Ils sont tous là. Ils ont ramené tout le village, les salopards. Ils sont armés jusqu'aux dents. T'as vu la vieille avec le fusil ? Elle est dans la mouise. Je le répète. Pour chaque délinquant qui nous sera ramené, une prime de 20 francs vous sera versée. On a encore des dizaines de la langue. Pensez à chercher vers les grottes. Ils sont malins. Mais attention aux barques. Ils vont tenter de prendre la mer. Faites passer le mot à tous les pêcheurs qu'ils attachent solidement leurs embarcations. Vite, fort beau ces chemins. Si on descend, on va se faire gauler. Mais où on peut aller maintenant? Ils vont nous chasser comme des lièvres. Une véritable battue s'organise. Habitants de l'île et touristes de tous âges, appâtés par la prime de capture, se mettent en chasse, armés de fusils ou de fourches, tandis que des autos battent les routes, guettant dans la nuit la silhouette de fuyards. Après 2 jours d'une traque effrénée, tous les fugitifs sont rattrapés. Avant d'être transférés sur le continent à la colonie correctionnelle d'Ess, l'un des établissements pour mineurs les plus répressifs de France, ils sont livrés aux représailles de leurs gardiens. De terribles sévices qui seront dénoncés publiquement quelques jours plus tard par le député de la Seine, Louis Rollin, fervent défenseur de l'enfance maltraitée. Mais en 1934, la délinquance juvénile, qui n'a jamais été aussi faible depuis le début du siècle, ne préoccupe guère les autorités. À Paris, au 37 rue du Louvre, à la rédaction du journal Paris Soir, le journaliste Alexis Danan décide, lui, de se saisir du fait divers de Belle-Île pour dénoncer l'enfer des maisons de correction pour mineurs. Mais il lui faut d'abord convaincre Pierre Lazareff, le rédacteur en chef du journal. Alors Danan, ces petites vacances? Bon, vous savez, j'ai jamais aimé les vacances. Mais vous tombez bien, je voulais vous voir. Je viens de parler avec Roger de son article sur la mutinerie de Belle-Île en mer. Ah oui, triste histoire. Il m'a dit que le directeur ne l'avait pas laissé visiter l'établissement ni voir les pupilles. Qu'il l'a reçu en coup de vent dans son bureau et ne lui a rien appris qu'il ne savait déjà. Que voulez-vous, Danan? Je sais bien que les maisons de correction, c'est votre dada. Si vous aviez été disponible, je vous aurais envoyé sur place. Mais le sujet est clos maintenant, priorité à l'actualité. Oui, justement. On vient de l'apprendre. 3 jeunes se sont évadés de la colonie d'Ess. L'un d'eux, pour échapper aux gardiens qu'il poursuivait, s'est jeté dans le Lot. Ces gamins sont désespérés. Vous avez lu la lettre ouverte de Rollin. Vous savez ce qu'ils endurent. Je vous écoute. Je vois bien, là, votre façon de vous tortiller, que vous avez une idée derrière la tête. Pierre, pour avoir longuement travaillé sur le sujet, je suis convaincu que le modèle carcéral de rééducation appliqué aux mineurs est un échec. Et ces évasions à répétition nous le prouvent. Poursuivez. J'ai pensé à une série d'articles sur ces maisons de redressement. Je veux montrer les failles d'un système archaïque. Mmh. Conditions de vie déplorables, mauvais traitements et absence de formation du personnel. La plupart des gosses qui en sortent récidivent aussitôt et finissent au bagne. J'en ai rencontré par dizaines à Saint-Laurent-du-Maroni, à Cayenne. Il faut interpeller les pouvoirs publics, demander des comptes à l'État. Je vois. C'est une véritable campagne de presse que vous voulez lancer, mon cher Danan. Vous avez quelque chose à publier ? Un témoignage. Terrible. Celui d'un forçat qui raconte son enfance en maison de correction. Un cercle infernal de violence qui l'a conduit jusqu'au bagne. Bon. Écoutez, je vais en toucher un mot à Prouveau par principe. Mais votre idée me plaît. L'enfance maltraitée, ça suscite toujours l'intérêt des lecteurs. Et puis, entre nous, ça nous coûtera moins cher que vos escapades en Guyane. Vous demanderez une autorisation du ministère de la Justice pour visiter ces établissements. Je veux que vous me fassiez un photoreportage du tonnerre. Fils d'imprimeur né en Algérie, Alexis Danan s'est tourné très jeune vers l'écriture. À 18 ans, il signait déjà ses premiers articles pour le journal local. Après la Grande Guerre, il s'installe à Paris pour tenter d'y vivre de sa plume. En 1926, après la mort de son fils de 5 ans, il rédige un article au Vitriol dans lequel il dénonce les erreurs médicales qui lui ont coûté la vie. Cette publication lui vaut d'être embauché quelques semaines plus tard à Paris Soir. Devenu grand reporter, Alexis Danan attire l'attention du grand public avec la publication d'une vaste enquête sur le bagne de Cayenne. Travailleur opiniâtre, il s'est attaché l'estime de ses collaborateurs et le soutien de son patron, l'industriel Jean Prouveau, qui a racheté Paris Soir pour en faire un des géants de la grande presse, tiré à plus d'un million d'exemplaires. Alexis Danan s'apprête maintenant à marcher dans les pas d'Albert Londres et de Louis Roubaud en réclamant par voie de presse la réforme de l'administration pénitentiaire. Où est-ce qu'ils m'emmènent ? Pourquoi ils m'ont pas envoyé à S, avec les autres, avec Jeannot ? C'est juste pour me pourrir encore plus la vie, pour que je perde mes seuls copains. Ils ont juste dit que j'allais être transféré à Fran et que ça allait pas me plaire. Je vois pas comment ça pourrait être pire que Belle-Île. Ce coup-là, je vais crever. Je survivrai pas. Et puis c'est quoi, Fran ? C'est où ? Sans réponse du ministre ni de l'administration pénitentiaire pour mener à bien ses investigations, c'est sous une fausse identité qu'Alexis Danan se présente, en compagnie d'un photographe, devant la lourde porte de l'école de réforme de Fran-le-Château. Une institution pour mineurs située à quelques kilomètres de Besançon, gérée par une congrégation de sœurs. Ah, bonjour ma sœur. Messieurs, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Notre mère supérieure m'a expliqué la situation. Vous voulez visiter les lieux avec votre ami, c'est bien cela ? Ah, en effet. Nous venons nous assurer que vous ne manquez de rien pour accomplir votre sacerdoce. Mais c'est tout naturel. Et c'est pour nous un grand honneur d'avoir la visite des bienfaiteurs de l'ordre. Suivez-moi, je vous prie. Quel calme. Quelle paix. Comment une poignée de saintes femmes s'y prend-elle pour régenter tous ces petits voyous ? Oh, vous savez, messieurs, c'est une vocation. Mais il est vrai qu'il faut tenir cette mauvaise graine bien serrée. Ah, c'est la sortie des vêpres. Il faut que j'aille surveiller l'alignement des enfants. Je suis à vous dans quelques minutes. Je vous laisse profiter du jardin. Regarde ce gamin. Il a l'air mal en point et boite. Soyez discret. Oui. Bonjour mon garçon. Puis-je te poser quelques questions ? Je veux pas d'ennui, monsieur. Je suis arrivé il y a peu. Posez vos questions à d'autres. Écoute, je suis pas un bienfaiteur de l'ordre. Je m'appelle Alexis Danan et je travaille pour le journal Paris Soir. Je suis venu ici pour vous aider. Vous ? M'aider ? Et comment, tiens ? Je me bats pour faire fermer les maisons de correction. Pour vous sortir de là. C'est pas des cracks. Vous êtes un vrai journaliste, alors ? Oui. Et mon collaborateur est photographe. Je l'ai reçu un témoignage d'un ancien d'ici. Il m'a parlé d'une punition infligée par les sœurs. La chime, c'est vrai ? La chime m'en parlait pas. Pourquoi je boite, à votre avis, hein ? C'est pas une punition. C'est un supplice. Elles ont aucune pitié, monsieur. Même le petit, il a eu droit. Quel petit ? Il doit y aller. Voilà des garçons bien rangés. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Mais félicitations, ma sœur. Si vous permettiez que mon ami prenne une photographie, nous avons devant nous la preuve de l'efficacité de vos méthodes. Bien sûr. Oui. C'est remarquable, vraiment. Même les plus jeunes sont d'une discipline exemplaire. D'ailleurs, quel âge a-t-il celui-ci, en tête de rang ? 4 ans, monsieur. C'est notre Benjamin. Mais qui c'est, ce type ? À quoi il joue ? J'espère qu'il va pas raconter au nom ce que je lui ai dit. Il avait l'air sincère. Et puis c'est bien le seul à vouloir m'aider. Et si ça se trouve, rien n'est perdu. Faut que j'arrive à me tirer d'ici et que je retrouve ce gars. Quelques jours plus tard, le 3 octobre, l'article d'Alexis Danan sur l'établissement de Frasne-le-Château est publié dans Paris Soir, avec, en une, la photographie du jeune bagnard de 4 ans au visage cabossé. Le journaliste met un point d'honneur à présenter en victime ces enfants que beaucoup considèrent comme coupables. Il cherche à provoquer l'indignation de son lectorat, seul moyen selon lui de faire plier les législateurs et d'ouvrir la voie des réformes. En découvrant l'article, la mère supérieure de l'établissement, décorée de la Légion d'honneur, s'en prend avec véhémence au journal. Tandis qu'à Frasne, la colère gronde, Manu profite d'un moment d'inattention pour s'enfuir. Après avoir voyagé clandestinement à bord d'un train de marchandises, il arrive à Paris. C'est une vraie fourmilière ici. Tous ces cafés, ces bistrots, ces restaurants, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de couleurs et de lumière. Et ces jolies filles partout. Vive Paris. Oh, ça sent bon les marrons chauds. Ça, c'est un métier de rêve. Vendeur de marrons chauds. Tu regardes passer les filles et tu peux grailler en douce. Bon, je devrais plus être loin maintenant. Rue du Louvre, c'est ce que m'a dit le type du kiosque. Un immense immeuble tout neuf qui fait l'angle, avec de grandes vitres comme une usine et le nom du journal qui brille dans la nuit. Ah si, si. Faudrait être bigleux pour pas le voir. Ah, tiens, Alexis, je viens de croiser un gosse en bas qui veut vous voir. Vous êtes au courant ? Pas le temps. Je dois filer au faubourg et j'ai pas fini de préparer mon speech. Il reviendra demain. Vous devriez quand même aller voir, hein. C'est un sacré numéro. Il alpague tout le monde dans le hall, il dit qu'il vous connaît. Oh, on sent. Manquait plus que ça. Monsieur Alexis ? Ah, bonjour mon petit. Qu'est-ce que tu me veux ? On s'est déjà vu, non ? À Frasne, monsieur. Il y a quelques jours, vous vous souvenez ? Vous avez dit que vous alliez m'aider. Ah oui, oui, c'est vrai. Je suis qu'un journaliste et... Comment t'es arrivé ici d'abord ? Je me suis sauvé. C'est pas la première fois. J'ai nulle part où aller maintenant, alors vous allez m'aider, oui ou non ? Bon, Oh, mince, il est bientôt 7h. Écoute, comment tu t'appelles ? Manu, monsieur. Manu. Je suis très en retard. Je dois prendre la parole à une importante réunion ce soir sur la question des maisons de correction, justement. Est-ce que tu serais d'accord de venir avec moi et raconter ce que tu as vécu ? Vous êtes pas fou, vous ? Vous voulez que les cergots m'embarquent ? Je te promets que je te défendrai et qu'il t'arrivera rien, mais ces gens doivent entendre ton témoignage. Non, c'est trop risqué. Et puis qu'est-ce que j'y gagne ? Si j'accepte, vous m'aiderez à faire sortir mon copain Jeannot ? Je ferai mon possible, mais je te promets que je te laisserai pas tomber. Bon, je viens avec vous. Mais je peux pas y aller fagoter comme ça. Et puis j'ai faim, moi, faut que je mange un bout. Bon, mettons-nous en route alors. On va te trouver quelque chose à manger sur le chemin, mais bazarder ses vêtements. Maintenant, raconte-moi ton histoire. Comment t'es arrivé à Frasne ? Ce soir-là, au club du Faubourg, dans le quartier latin, la salle est archi-comble et l'atmosphère enfumée de tabac. Face à l'inaction et au silence de l'État, Alexis Danan et Louis Rollin sont venus plaider, dans ce lieu de libre expression ouvert au débat public, pour la fermeture des bagnes d'enfants. Cela fait un peu plus d'un mois que la révolte de Belle-Île a eu lieu, et grâce à la campagne de presse, le sort des pupilles des maisons de correction est devenu un sujet de société. Presse, meetings, radio, dans toute la France, les interventions publiques se multiplient. assis sur une chaise, Manu, le seul adolescent de la salle, est l'objet de tous les regards. Il attend, anxieux, qu'Alexis Danan l'invite à parler. Ses pupilles subissent des tourments qu'aucun enfant ne devrait endurer. Mes détracteurs me rétorquent que ce sont des délinquants, qu'ils doivent être punis. Soit. Qu'on leur fasse copier 200 fois, 500 fois s'il le faut, des vers moralisateurs. Mais le régime qu'on leur impose est intolérable. À ce propos, je voudrais céder la parole à Emmanuel. Ce jeune garçon est venu me trouver après s'être évadé de plusieurs maisons de correction. Je vous demande de lui accorder toute votre attention. Tu peux t'avancer. Parle bien fort, tout près du microphone. Comme l'a dit Monsieur Danan, à la maison d'éducation de Belle-Île, on travaille dur et on a tout le temps faim. La nuit, on dort dans des cellules grillagées qui s'ouvrent tout en même temps, avec une manivelle. On appelle ça des cages à poules. Une fois dedans, on ne peut pas en sortir. Là-bas, il y a Gibouin, le surveillant général. Lui, c'est pas un comique. Tous les jours, des coups de poing, des coups de pied, des coups de clé. Qui aime bien, châtie bien, qui nous dit. Ah, Fran, c'est pareil. Faut pas répondre, faut baisser les yeux, si on veut pas chimer. La chime, c'est rester debout, les genoux pliés et les bras en croix, avec dans chaque main une bûche fendue, très lourde et coupante. On reste comme ça longtemps. On a les mains qui saignent. Mais on ne doit pas baisser les bras, ni perdre l'équilibre. Si on se relève, ou si on s'assoit sur ses talons, alors on nous assomme de coups. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait mal. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? À Belle-Île, j'avais un copain. Jean Babin. On s'est échappé ensemble. Lui, il l'a envoyé à S. Enfin, je crois. Il faut le sortir de là. Honteux. Honteux. Mesdames, messieurs, il y a urgence. Il faut en finir avec ce système de coercition et de répression à l'égard des mineurs de justice. C'est une honte et une humiliation pour un pays civilisé. Dès demain, Louis Rollin et moi saisirons le ministre de la Justice. Merci pour ton témoignage, Manu. T'es très courageux. Ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais j'espère que vous habitez pas trop loin. J'ai marché toute la journée, moi, je tiens plus en l'air. Faut que je dorme. Eh ben, c'est ma femme qui va être contente. Et quel âge as-tu, au fait? 14. Tiens. Mon petit Claude aurait ton âge. Allez, en route. Le témoignage de Manu a soulevé la colère de l'auditoire. Interpellé dès le lendemain par Alexis Danan, le garde des Sceaux s'engage à prendre des mesures et envoie des inspecteurs visiter les établissements. Le 23 octobre, après avis du conseil disciplinaire, il prononce la rétrogradation du directeur de Belle-Île et la radiation du surveillant Gibouin. Pour Manu et Alexis Danan, c'est une belle victoire. Mais le journaliste ne compte pas en rester là. Il vient de recueillir le témoignage d'un ancien bagnard dénonçant les meurtres de plusieurs pupilles par le personnel de la colonie paternelle de Maitrey, située en Indre-et-Loire. Il a entre les mains de quoi faire condamner l'institution. Mais de telles accusations pourraient nuire à sa carrière chez Paris Soir. Alors, Danan, vous n'avez rien pour nous aujourd'hui? On manque de marbre. Non. À vrai dire, j'ai là un papier au picrate, mais... Eh bien, voilà qui m'intéresse. Sur quel sujet? Sur Maitrey. Eh bien, qu'attendez-vous pour me le donner à lire? C'est que... il n'est pas pour Paris Soir. Enfin, expliquez-vous. C'est un article dont Prouveau n'autorisera jamais la publication. Et qui pourrait même me coûter ma place. J'y mets en cause Joseph Berthélémy, doyen de la faculté de droit et président du conseil d'administration de Maitrey. Ainsi que ses deux assesseurs, le président Lescouvé et le banquier Gouin. Figurez-vous, tous trois sont des proches de Prouveau. Gouin est son cousin. Ces types-là extorquent leurs pupilles. Et puis, il y a eu des morts. Bigre, faites-moi voir ça. que vous rapportez là est terrible. Vous êtes sûr de vos accusations? Comme vous voyez, j'ai signé l'article. Et à qui le destinez-vous, cet article? Cette bombe à faire sauter mes traits et avec lui tout le système? Je l'ai promis à Lucien Vogel. Il doit paraître dans Vue demain. Oh. Eh bien, moi, je crois que vous devriez tout de même monter voir Prouveau. Votre article va déclencher un scandale, vous le savez. Prouveau le voudra pour Paris Soir, croyez-moi. Vous êtes sûr de vous? Allez-y tout de suite, il est dans son bureau. Et revenez me voir dès que vous avez son accord. Avec une photo pour la une. L'article est publié le soir même. Aussitôt, la société gestionnaire de Maitret engage une action en justice contre le journaliste pour diffamation. Le procès s'étendra sur plusieurs années. Avec l'avènement du Front populaire en 1936, la campagne redouble de vigueur. En pleine lutte antifasciste, les militants d'organisations communistes s'emparent de la figure de l'enfant martyr pour dénoncer les injustices et exiger une politique nouvelle. Entre 1936 et 1937, plusieurs établissements pour mineurs sont réformés. Alexis Danan poursuit son combat avec le soutien de personnalités comme Henri Vallon, alors à la tête du comité de lutte contre les bagnes d'enfants. Dans la même veine, il profite de sa notoriété pour créer des comités de vigilance qui, dans toute la France, engagent les citoyens à signaler des cas de maltraitance et à faire de l'enfant un problème collectif. L'association, soutenue financièrement par Jean Prouveau, est alors hébergée dans les locaux de Paris Soir. Où vous m'emmenez? Au sous-sol. C'est pas très rassurant, votre affaire. Ça, Manu, c'est l'imprimerie. Et pourquoi que vous retirez votre galurin, alors? Pas de chapeau dans un atelier d'imprimerie, c'est une vieille tradition. Ah oui? Sinon quoi? Sinon, tu seras accueilli par la roulance des typos. Hein? J'ai rien bipé. Tu vas découvrir tout ça. C'est ici, vois-tu, dans le fracas des rotatives, au milieu de ces montagnes de bobines de papier, que sont fabriqués les milliers de parissoirs qui sont acheminés chaque jour dans la France entière. Et au-delà. N'est-ce pas formidable? Oui, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On ne s'entend pas causer. Eh bien, il se trouve que le contremaître est un ami et qui cherche deux apprentis. Deux bons gars qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, qui sont prêts à apprendre un métier. Je lui ai dégoté un jeune très motivé grâce au comité. Il a commencé ce matin. Veux-tu prendre la seconde place? Tu seras payé en liquide à la semaine et tu auras droit à la cantine des ouvriers. Ah ça oui, ça se refuse pas. Et puis moi, les machines, ça me connaît. Eh bien, dans ce cas, je te présente ton coéquipier. Jeannot! Un vieux frère! Manu! Ah, j'étais sûr qu'il te retrouverait! Ah, c'est bon de te voir! Le 24 mars 1938, 4 ans après les accusations publiées par Alexis Danan contre la maison paternelle de Maitret, le jugement du procès est rendu. L'institution est condamnée, tandis que le journaliste est acquitté et reçoit les éloges du tribunal pour son travail d'enquête. Mais dans le contexte politique tendu de la montée des périls, le combat contre les bagnes d'enfants s'essouffle et ne fait plus la une du journal. Malgré la lente mise en œuvre de certaines réformes et les progrès qu'il reste à faire en matière de sauvegarde et de protection de l'enfance, la campagne menée par le grand reporter de Paris Soir a permis aux Français de porter un nouveau regard sur les enfants de justice et sensibiliser les institutions à la nécessité de remplacer la répression par l'éducation. 43, 44 et 45. Voilà, c'était le dernier. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à porter ces derniers journaux au kiosquier des boulevards et ma journée est finie. Ce soir avec Jeannot, on se fait une toile. La grande illusion avec Jean Gabin, ça va être grandiose. Il n'y a pas à dire. Ça change la vie de bosser sans avoir la trouille au ventre, sans se prendre des mornifles à longueur de journée, et puis de gagner assez de sous pour pouvoir manger à sa faim, se payer des bocs avec les copains, vivre décemment, quoi. C'est loin maintenant, l'enfer de Belle-Île et les vieilles sorcières de Frane. Ça y est, après toutes ces galères, je l'ai enfin, ma liberté. 1934, des enfants s'évadent du bagne de Belle-Île de Priscille Lamure avec Manu, Émilien Gobard, Jeannot, Samuel Charles, Alexis Danan, Jean-Baptiste Verquin, Pierre Lazareff, Léo Dussolier, la religieuse Julie Quenet, le surveillant Luc Tremblay, bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Claude Nior et Manon Houssin, assistant à la réalisation Pablo Valero, réalisation Cédric Ossir. Juste après le disque, on reprend la discussion sur les bagnes d'enfants avec mon invitée Véronique Blanchard. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Le soleil, seul soleil, surplombe tout. Le soleil, seul soleil, survole nous. Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil sait encore comment faire à présent. Me réveille. Le soleil sera la peine, l'envoleur même dans le vent, même prise dans mon grand ciel volant, viendra de temps en temps me perdre. Laura Cahen, La Complainte du Soleil sur France Inter, Autant emporte l'Histoire, une émission réalisée par Lauriane Toulmont, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale, Thierry Dupin, à la technique, Louis Audebert. Véronique Blanchard, je vous propose, si vous voulez bien entendre la voix d'Alexis Danan, il raconte en 1961 ses souvenirs de l'époque. Il n'y a plus la maison de correction que j'ai connue et où on martyrisait les enfants, où on a tué des enfants, j'ai parlé de maîtres. J'ai donné le nom de deux enfants qu'on y avait tués. Prades le château, c'est un des grands moments de ma vie. On m'avait dit, vous trouverez là, monsieur, des enfants de 6, 10 ans, 12 ans. Et puis j'en ai vu un, dans une file qui allait aller au Vêpres, car c'était une maison religieuse. Et la religieuse qui avait le soin de ce groupe d'enfants m'a dit, celui-là, monsieur, a moins encore que l'âge que vous pensiez, il a 4 ans. Il a 4 ans, ma sœur. Enfin, quel est le crime qui lui a valu de venir ici? Monsieur, sa mère a voulu refaire sa vie. Elle a voulu se débarrasser de lui, car l'homme avec qui elle vit n'a pas voulu de cet enfant. Elle lui a demandé de l'en débarrasser. Et cet enfant est là jusqu'à sa majorité. Je revenais précisément de Franck Neuchâteau. J'avais publié mon article dans Paris Soir. et j'allais parler au club du Faubourg, j'étais au programme de la soirée. Ce garçon est venu me trouver au journal, et je lui ai dit, mon pauvre ami, je n'ai pas le temps de t'entendre, mais si tu veux, accompagne-moi et tu porteras ton témoignage. Il a porté son témoignage d'une petite voix d'enfant, d'une petite voix de tête. La salle frémissait, la salle criait, assez, assez, ce malheureux enfant ne s'arrêtait plus de raconter toutes les souffrances auxquelles il était soumis à longueur de jour. Véronique Blanchard, Alexis Danan a joué vraiment un rôle déterminant justement pour révéler ce scandale. Ah oui, c'est vraiment l'homme qui va lancer les campagnes médiatiques contre les bagnes d'enfants. C'est-à-dire qu'à partir de la révolte de Belle-Île-en-Mer, puis de son article sur Fran, il va y avoir une série de papiers dans Paris Soir, puis dans Vue, dont on a entendu parler aussi, des émissions radio, etc., qui vont dénoncer le sort fait aux enfants dans les maisons de correction et les maisons de redressement. C'est vraiment la figure dominante qui lance la campagne de presse et qui va permettre à l'opinion publique de se saisir de ce sujet. Donc on a entendu, il y a des enfants brutalisés, torturés, tués même. On voit aussi dans votre livre des images de cellules individuelles où les enfants sont vraiment encagés. Comment expliquer une telle situation? Ces établissements, est-ce qu'ils fonctionnaient en dehors de toute règle ou en dehors de toute surveillance? L'idée première de ces colonies agricoles pénitentiaires, c'est de redresser les enfants de manière différente des adultes. Et on pense au départ que par le travail, la discipline, le collectif, on parviendra à ce redressement. Et puis, les choses vont considérablement se durcir à la fin du 19e siècle, parce que l'image de la délinquance juvénile va changer, va se modifier, et qu'on va avoir apparaître la figure du criminel né, de cet enfant né criminel par hérédité. Et on ne pense plus alors qu'il est possible véritablement les redresser. Ce qu'il faut, c'est les punir, les enfermer, s'en protéger, en mettant en place des maisons de correction qui sont de plus en plus disciplinaires. Mais il y a des lois quand même qui, j'imagine, interdisent ce genre de traitement. Alors, d'abord, c'est pas très connu. Et c'est bien ça le travail d'Alexis Danan. Ensuite, il y a vraiment l'idée d'une délinquance juvénile extrêmement menaçante et terrifiante. On entend dans la fiction un événement qui a eu lieu en 1908 à Belle-Île-en-Mer, d'enfants qui se révoltent et qui vont tuer un gardien. Ça, c'est à l'époque médiatisé pour montrer à quel point ces enfants sont des sauvages, des criminels, et qu'il faut les punir. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe dans les maisons de correction, mais l'opinion publique de manière très générale, avant la Première Guerre mondiale, pense que ce redressement est nécessaire pour des enfants qui sont totalement en marge. Et je crois qu'on ne se rend pas compte de la violence institutionnelle dans laquelle on est entraîné à l'intérieur de ces murs. Est-ce qu'on a une idée du nombre de colonies qu'il y avait dans le début des années 30 et du nombre d'enfants concernés aussi? C'est une très bonne question et c'est une question très difficile parce qu'il y a à la fois des colonies publiques comme Belle-Île-en-Mer ou S dont on parle là, mais il y a aussi beaucoup d'établissements privés comme Fran, établissements religieux et laïques. Et du coup, il y a encore une histoire à faire pour essayer de récapituler le nombre d'établissements qui ont existé, en tout cas bien plus d'une centaine, hein, si on compte les filles et les garçons, et des milliers et des milliers de jeunes gens qui sont passés dans ces murs pour des temps, comme on vous le dit là, très longs, puisque des enfants peuvent être enfermés de 4 à 21 ans. Vous l'avez évoqué, ce sont des colonies pour garçons, mais il y a aussi la question des filles, les mauvaises filles, comme on disait, où elles sont? Les mauvaises filles, elles sont exclusivement, je crois qu'on peut vraiment dire exclusivement, dans des congrégations religieuses. La plus célèbre de ces congrégations, c'est le Bon Pasteur, qui naît à Angers dans les années 1840 et qui ensuite essaimera dans toute la France, voire l'Europe, même les États-Unis. Donc des sœurs qui vont avoir pour mission de redresser et purifier les mauvaises filles. Et c'est le même traitement, les mêmes traitements les... Alors c'est à la fois les mêmes traitements, c'est-à-dire qu'on assiste également à de la maltraitance, de la violence, de l'enfermement, des coups. Et en même temps, c'est pas les mêmes modes d'intervention, parce qu'on considère que ces jeunes filles sont des jeunes filles en voie de perdition, que ce sont des prostituées ou de futures prostituées, c'est vraiment ça l'obsession. Une dimension sexuelle, oui. Voilà, et donc on va s'attaquer beaucoup à leur corps. Donc il y a une prise en charge d'un effacement du corps féminin extrêmement fort, ce qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve du côté des garçons. Pourquoi ce système, dans les années 30, devient-il insupportable? C'est une question très importante et c'est vraiment une question de contexte, donc une question pour les historiens et pour les historiennes. C'est une question on démographique après la Première Guerre mondiale. Et le après traumatisme. L'hécatombe. Exactement. Ouais. Le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la peur du fait qu'on a moins d'enfants, une jeunesse aussi nettement moins nombreuse, va faire que le regard de l'opinion publique va se dessiller et on va voir, grâce bien sûr au travail d'Alexis Danan en particulier, on va voir ce qui se passe dans ces maisons de supplice, dans ces maisons de correction, et on va avoir une véritable émotion populaire. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, Simone de Beauvoir, qui n'est pas une grande défenseuse des enfants... Elle n'a pas une passion pour les gosses. Non, voilà, c'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Mais dans ses mémoires, elle parle de Belle-Île en Mer, elle parle du scandale des bagnes d'enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui va toucher très largement l'opinion publique. Et vous le disiez dans vos commentaires, c'est un moment où il y a peu de délinquance, mais parce que la délinquance, c'est quand même une construction. Donc il y a peu de délinquance juvénile parce qu'on s'intéresse peu à ce phénomène-là, parce que la jeunesse à l'époque est une richesse et qu'il faut absolument, on la regarde de manière très positive. Parmi les artistes qui ont été émus par cette histoire, il y a Jacques Prévert, je l'ai évoqué en début d'émission, qui a consacré donc un poème à cette histoire et qui sera mis en musique par Joseph Cosma et chanté pour la première fois par Marianne Oswald. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, chapin, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, chapin, c'est la bête et son aide de gens. Qui fait la chasse à l'enfant, pour chasser l'enfant, t'as besoin de permis. Tous les braves gens. Jacques Prévert qui sera aussi contacté par Marcel Carnet pour écrire un scénario de film sur le sujet, mais le film hélas ne verra jamais le jour. Un film maudit, La fleur de l'âge avec Arletty Erdiani. Et quelques images qui subsistent, c'est un film qui ne verra jamais le jour et qui était vraiment dans cette veine hein, de dénoncer le sort fait aux enfants dans ces maisons de correction. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'affaire donc de Belle-Île et la campagne médiatique menée par Danan, il y a eu un avant et un après ? Est-ce que les choses ont vraiment changé après ? On peut vraiment dire ça, parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience populaire hein, sur ce qui se passe dans les maisons de correction. Il va y avoir des réformes qui vont être entamées. Et puis surtout, c'est cette campagne de presse qui permet en 1945 à la fameuse ordonnance du 2 février 1945 d'être écrite et donc de penser la justice des enfants de manière éducative et qui régit encore aujourd'hui. C'est le cadre quand même législatif. Oui, tout à fait. Alors, on est en ce début 2020, tout près d'une modification profonde de la justice des mineurs, avec un code pénal pour les mineurs qui est en train de s'écrire. Oui. Mais oui, aujourd'hui encore, l'ordonnance de 45 est la pièce maîtresse de la justice des enfants qu'on connaît. Et aujourd'hui, en France, il y a encore des mineurs en prison ? Ah bien sûr, il y a toujours eu dans l'histoire, quand on parle d'histoire, il y a toujours eu des enfants en prison. Aujourd'hui, vous pouvez être incarcéré à partir de l'âge de 13 ans et vous êtes soit dans des quartiers mineurs, soit dans des établissements pénitentiaires pour mineurs. Merci beaucoup Véronique Blanchard de nous avoir rappelé cette histoire. Vous êtes l'auteur avec Mathias Gardet de Mauvaise Graine, deux siècles d'histoire de la justice des enfants, paru en 2017 chez Textuel et plus récemment Vagabonde, voleuse, vicieuse, adolescente sous contrôle, de la libération à la libération sexuelle aux éditions François Bourin. À lire également un roman, L'île des enfants perdus de Nicolas Chaudin chez Actes Sud, et on peut voir aussi l'exposition à Savigny-sur-Orge. Exactement, Enfants en justice à Savigny-sur-Orge, c'est ouvert du lundi au vendredi. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. Autant emporter l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous parlerons de Marie-Antoinette pendant la Révolution. À l'été 1793, alors que la patrie est en danger, elle est transférée à la prison de la Conciergerie, antichambre du tribunal révolutionnaire qui, quelques semaines plus tard, la condamnera à mort dans un simulacre de justice. Marie-Antoinette à la Conciergerie, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Juste après le flash, vous avez bien sûr rendez-vous avec Nadia Dame pour Modern Love. Très bonne soirée.